9, 4 morts. Toi tu imites encore lunatique, tu rappes en 99, 4 août. 10 ans sont passés comme 9 clars. Tu sonnes 7, 4, pas grave. Goûte 9, 4, new crack. Le son claque, combattre les vibrations que nos 9 captent. Vu que devenir blindé c'est un mirage. Je suis un mirage comme l'avion. Et bientôt je pars, mais d'abord je rappe parce que j'aime le berlan. J'aime être silencieux, gênant l'ennemi, servant mes gens. Ceux qui connaissaient le son des grands dire l'alcool lourd, elle était vraiment méchant. Rien qu'on se tape, c'est un miracle. Je suis de moins en moins instable, même si la nuit je continue à pas dormir comme un touchable. Et si ça m'arrive, je ronfle comme 9-4-4. Peut-être que je repense au bateau, checker au pote cadavre. Les bus passent, les jours passent, on s'y abonne, sa race. Drama, on a souvent 3 gosses avec 2 mamans. Tu veux rouler avec nous, mais est-ce que t'as les options? Non, chez les braves, le courage n'est pas en option. Y'en a qui sont des dollars ou des avocats, mais qu'importe ton mot, roi. Retiens ce que ça me les doit, dis Henri, respecte ton couloir. Tu veux rouler avec nous, mais est-ce que t'as les options? Non, chez les braves, le courage n'est pas en option. Y'en a qui sont des dollars ou des avocats, mais qu'importe ton mot, roi. Retiens ce que ça me les doit, dis Henri, respecte ton couloir. Tu te rappelles quand je débarquais avec mes katanas? Maintenant négro mange des catalanes avec Catala. Et crois que sommeil, je veux une piole au bled. 3 étages comme Créteil Soleil. Sauf qu'au dernier, c'est pas les restos, mais les hostos. Pour tous ceux qui veulent pas qu'on graille costaud. Je suis pas venu en France pour les tickets resto, ni pour couper à l'ombre parce que la police filoche les poteaux et fait des blocs photos. Il aurait pu devenir une star du foot, mais a découvert la 8. Après 2 shoots, t'as plus les mêmes shoots. Ma cote monte, j'mets une heure du leader price à la fac. Ici tout le monde voit Samy à la défense et Rof à l'attaque. Ici tu verras rarement à Pirex et Baggy. J'suis dans toutes les caisses, le flow fait monter la cote. J'suis la dope, les petits viennent de me découvrir comme Kavenagi. Sérieux comme Gambino, ma technique vient d'un point sérieux comme Ali. Si je roule avec nous, mais est-ce que t'as les options? Non, chez les braves, le courage n'est pas en option. Y'en a qui sont des dollars ou des avocats, mais qu'importe ton mot, roi. Retiens ce que ça me les doit, dis Henri, respecte ton couloir. Tu veux rouler avec nous, mais est-ce que t'as les options? Non, chez les braves, le courage n'est pas en option. Y'en a qui sont des dollars ou des avocats, mais qu'importe. Porte ton mot, roi. Retiens ce que ça me les doit, dis Henri, respecte ton couloir. Non, chez les braves, le courage n'est pas en option. Au fait, tu viens d'où? T'as fait quoi comme option? J'ai star, comme des stars, ou fac, t'as fait sport, ou schlag, l'arme est mort. Hey, en fait, mais tu viens d'où, mon pote, toi, en fait? Banlieue sud, Val-de-Marne. Ah ouais, je vois, Champigny, Vitry, Joinville, tout ça là? Non, moi je suis de la ville-mère, photo. 9-4, Créteil, 3-0 derrière. Ah ouais, là je vois mieux, là le centre commercial, le lac de Créteil, tout ça? Là y'a pas de centre commercial, y'a pas de Créteil Soleil. Mon frère, mais c'est clair à moi, il est à Londres, je vais partir à 2 pas du cimetière. C'est chez moi, frère, y'a un dicton qui dit les voyous, c'est à domicile qu'on les enterre. Viens à Créteil, c'est Genève. Nous on passe pas la télé, on vend un peu de rêve. On fait notre fraîche dans les magasins, dans les rues et les hangars. Et blanc, arabe, juif et noir, pour l'instant chacun a sa part. Toute l'île de France, Liban, qu'on prend au couteau dans un placard. J'implore Dieu, j'suis pas le maire, j'suis la paire Dieu. Un choumi, t'avais jamais vu des mots. Faire du motocross, le flow cross, leur crâne chauffe. C'est qu'il bosse, LAL en option Armani. Inch'Allah Aldin, rappé gosse. Que Dieu guide mes sauces en mode crack. Fuite comme une Range Rover, toute option Black 9-4. Black 9-4. Tu veux rouler avec nous, mais est-ce que t'as les options? Non, chez les braves, le courage n'est pas en option. Y'en a qui sont des dollars ou des avocats, mais qu'importe ton mot, roi. Retiens ce que ça me les doit, dis Henri, respecte ton couloir. Tu veux rouler avec nous, mais est-ce que t'as les options? Non, chez les braves, le courage n'est pas en option. Y'en a qui sont des dollars ou des avocats, mais qu'importe ton mot, roi. Retiens ce que ça me les doit, dis Henri, respecte ton couloir. Les pieds sur le sol, mais toujours en mouvement. Le cœur encastré dans le mur, mais toujours en fonction. Elle a elle toute option. Qu'importe ton mouroir, je vais te dire ce que ça met les taux, a dit à Thierry Henry. Mais gros, respecte ton couloir. Gros, respecte ton couloir. Tranquille.